C'est des anges avec des Air Max. Y'a ceux qui visent et les targets. J'suis sûr qu'ils vivent car les dames guettent. Mais j'vis pour être la star du All-Star Game. Le temps que t'analyses mes urines, j'serai loin, loin. Les semis, c'est facile comme taper un ouache ou un doigt. J'pourrais crier au secours, mais ça me ferait chier. Quand t'es dans la merde jusqu'au cou, j'suis en train de sécher, hein. T'étais où quand j'pétais les plombs? Quand j'étais à deux doigts du téléponge, t'étais où? Monsieur Téléthon, nous, on vit salement, on passe. Tu vis ça l'amour, c'est alarmant, m'dame. Venez chercher votre fils à la morgue. J'compte croquer, me tenir au courant sans prendre de coups du fils. Compte bloquer, encore un coup du fils. J'en ai pas rien à foutre de becter. J'enferme le diable dans la soupe, mais la double de mes clés. Invincible, j'suis un missile, moi. J'm'envole, mais j'vole pas. Imbécile, pourquoi tu mets un vigile? Des anges avec des Air Max, te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, c'est pas un mirage. Des anges avec des Air Max, des anges. Mon dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert. Des anges avec des Air Max, te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, un putain de miracle. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules. Quand je te vois, je me vois à terre, je suis abasourdi. Pense à ta mater, moi, je te l'ai dit. Ma meilleure amie s'appelle survie. La grêle ne s'arrête plus, c'est les mêmes qui graillent, c'est les mêmes qui daillent, c'est les mêmes qui caillent dans les arrêts de bus. Sur ma pierre, ton balle, écris bien d'ici bas. Rester en vie, fume mon pire combat. Le genre d'homme au cœur tendre, l'amitié, je leur donne, t'es partant. Moi j'ai confiance quand Jordan au dernier carton. J'suis bon qu'à faire du chant et dans mon dialecte. Sache que c'est pas parce que je perds du sang que je crie à l'aide. J'crie à l'aide. Putain, ils caillent dans leur putain de quart de keuf. On veut la gloire et l'avoir plus d'un quart d'heure. J'ai failli me cracher comme Kenny West. À cause des pédophiles, j'ai peur de laisser mon fils avec le Père Noël. Frérot, tu connais le processus. C'est pas moi qui prédis l'avenir, négro, c'est le juge. Des anges avec des Air Max, te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, c'est pas un mirage. Des anges avec des Air Max, des anges. Ils m'ont dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert. Des anges avec des Air Max, te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, un putain de miracle. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert. J'ai l'air d'être emballé. Moi, mec, j'suis toujours en retard par peur d'être à l'heure. Pour mes 30 balles, de quoi je suis en train de parler? De rien, de ma vie, de ta vie qui est en stand-by. Et de toi qui est en train de bailler. Nous, l'Air Max, rien à foutre, des bas du pied en Air Max. On fait notre route sans airbag et sans nous tuer. D'ailleurs, man, dis-leur que je fais rien de mal. À part que je crée leur feu et je vends l'évasion comme un dealer bœuf. Dealer bœuf, mec. Les coups de crasse, c'est salissant. Je pratique le vice en club, tandis que t'attends toujours ta licence. Je parle peu, peut-être parce que dès que j'ai pérasse que je vis, mec, à quoi dire, dalle que merde. Tout est théâtral. Le pire, c'est que les petits se mélangent. T'es pas à Disneyland, t'es à Prague. J'étais en chien, fut un temps. Sur déclin, comme le Wu-Tang Clan, man. Quand soudain, j'ai vu des putains d'anges. Des anges avec des Air Max, te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, c'est pas un mirage. Des anges avec des Air Max, des anges. Ils m'ont dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules dans le désert. Des anges avec des Air Max, te jure, j'ai vu. Des anges avec des Air Max, un putain de miracle. Des anges avec des Air Max, ils m'ont dit, t'inquiète, mec, on t'entend quand tu gueules. Dans le dessert mort.